voulais voir le monde, j'ai vu que la cité et ses alentours, des allers-retours, le milieu, les cachettes, les bolos, tes salopes qui sucent un peu partout, un peu nostalgique, j't'en sors honneur qui chauffait dans le parking, en rêvant d'or, de diamants, de platine, de pas mis d'or, j'ai un futur à bâtir, quand t'es par terre, ils aimeraient t'aplatir, bébé, veux se barrer d'ici, c'est trop tôt, j'peux pas t'en dire plus, y'a la PJ de maman, jamais pas paradis, les vois partout quand j'ai un peu trop bu. Ça débite à mort. Les bronzés font du ski sur le terrain de schnouf. Le hall enneigé. Tranquille sur la prod, c'est pas lourd, c'est léger. Intouchable, y'a des gars qui nous tient en échec. Les racistes utilisent les noirs au jeu d'échecs. Y'a les uns qui font passer la tonne. Y'a la PJ qui nous prend en top. Y'a le 9-2, y'a le 9-3, y'a l'Andy SDM 2Z pour refaire la déco. Eh, hey, j'suis très mal entouré, mais tu vas pas la peine que je vienne en équipe dans ton coin.